À Solange-Clessinger, Nohant, 21 juillet 1851. J'ai été douloureusement surprise en apprenant ce matin que tu étais partie, et partie seule. Je n'aime pas qu'une jeune femme comme toi s'en aille seule par les voitures publiques. Et j'aurais voulu que Varenne t'accompagnât, puisqu'il était venu ici pour toi. Je ne voudrais pas non plus être chargée longtemps de Nini de cette façon. Elle est gentille et adorable. Mais enfin, je ne connais pas sa bonne et je n'ai pas d'autorité sur elle. Si elle ne gouvernait pas bien l'enfant, je n'aurais pas le droit de lui rien commander comme je le ferais si c'était une personne à moi. J'espère que tu as de bonnes raisons de confiance. Mais si tu ne dois pas revenir, tâche, mon enfant, que je le sache avant que Varenne nous quitte. Car c'est bien embarrassant pour une femme seule de s'en aller avec un enfant et des paquets. Je ne sais si je dois espérer que tu reviennes faire ton mois de campagne ici. Je ne comprends rien à ce qui arrive, et je jurerai qu'on a inventé les prétendus cancans faits à ton mari. Rien n'a pu sortir d'ici, parce que ici, autour de moi, il n'y a des gens qui me respectent, et toi, par conséquent. Et puis, parce qu'il n'y a rien. Rien à dire sur des promenades où je suis toujours, ou Varenne et autres vieux. Et encore moins sur des baignades où nous sommes tous, habillés de la tête aux pieds, d'une manière qu'on pourrait dire exagérée. Je comprends seulement que ton mari s'ennuie loin de toi. Je désire bien qu'il ait le courage de te laisser revenir, mais s'il ne l'a pas, je ne te demande pas d'insister. Car il est certain que l'affection d'un mari qu'on aime est la meilleure chose à conserver. D'ailleurs, cela ne me fâche pas, moi. Et tu es sûre de me retrouver quand tu pourras revenir sans le priver et sans l'affliger. Je ne sais si tu recevras cette lettre à temps, mais au cas où tu resterais plus ou moins à Paris, tu auras toujours des nouvelles, toutes fraîches, de Nini. Elle a ri comme une folle toute la matinée. Elle ne te demande pas encore, elle te croit à la promenade. Si elle ne pense pas à la durée des jours et des heures, on ne lui fera pas penser. Bébé, il s'agit de la chienne de Solange, comprend mieux le temps, elle ne fait que pleurer. Je lui donne asile dans ma chambre, parce que ses larmes m'attendrissent, malgré ses puces. Bonjour, ma chérie, écris-moi de suite, reviens si c'est possible. Sinon, reviens plus tard et compte que tu seras toujours aussi bien reçue. Les mamans ne sont pas jalouses et elles savent qu'il faut céder au mari. Je t'embrasse 1000 fois.